Ceci est une pause offerte par... Prades, c'est derrière le Pissenlit. Ah ouais. C'est beau. Marche exténuante nous mène au bout du monde. Il fait de plus en plus froid. La neige est lourde, elle pèse sous les chaussures. On l'entend claquer. C'est très très dur. L'écho, c'est une radio, c'est toute ma vie. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 88.5 FM stéréo. C'est la radio qu'il faut qu'on écoute tous car c'est l'école des Grigues 88.5 radio qui bouge. Vous savez l'epsilon quoi. Ah oui, il faut continuer, il faut tenir. Quand même. Fraîche dans la neige et nos pieds s'enfoncent jusqu'aux genoux. Le pantalon est mouillé, les chaussettes trempées, ça pue des pieds. Mais nous continuons quand même. La cadence se ralentit. Le blizzard souffle. Plus fort là, les ventilos. Oui, c'est de plus en plus dur. Il faut faire des efforts exténuants pour mettre un pied devant l'autre. Et je vois la Bama qui vient de s'effondrer. Je vole à son secours. Spirit. Amen. Ça y est, nous voici parvenus au sommet. super, non, magnifique. Et l'antenne est devant moi. Elle est complètement escrabouillée. Ça va vraiment pas du tout. L'écho est foutu. L'antenne est par terre. Elle a arraché un pylône. Mais on va pouvoir réparer tout ça grâce à notre ami Marc, qui là-bas, le cul dans la neige, s'est vainement de monter. On le voit, il charrie son sac à dos et tout va bien, car les outils arrivent. Oui, il fait très beau, enfin à ma gauche, car à ma droite, le temps se couvre. Les pieds froids me glacent les pieds. Oui, c'est ça. Et je vois assez fabuleux. Marc s'enfonce dans la neige, il est assis dans la neige, seulement la neige est épaisse. Il est dans les buis, il est même coincé. Ah, c'est très drôle de voir le président de l'écho des Garrigues ainsi mis, mais vraiment mal mis dans la neige. Il débarque, ça y est, son pied se lève. Non, il abandonne. Oui, Marc, vous avez quelque chose à souligner? Il m'a dit ta gueule. Oui, bien, tout va bien. Car à ma droite, il fait encore très très beau. On voit là-bas le massif Ventoux, du Ventoux. Non, il a disparu. On le voyait, mais là, on le voit plus. Et par contre, on voit encore le Mont-Aigoual. Très joli. Quelques nuages, mais beaucoup de neige. Et les Causses. Alors là, c'est absolument superbe. On voit le Causse-Méjean, le Causse-Noir. C'est très joli, recouvert de neige. Et maintenant, je vais me pointer là. Je vais pointer le bout de mon nez au travers le sommet et je vais apercevoir les Pyrénées. La chaîne de Pyrénées, elle apparaît devant moi. C'est fabuleux. Oui, je m'enfonce, mais oh oui, c'est joli. Non, on voit pas les Pyrénées. Marc, tu m'as dit des conneries, on voit pas les Pyrénées. C'est... Ah oui, ça y est. Je les distingue au fond. Un petit mamelon me cachait la vue. Et voilà, je m'approche du précipice. Et en bas, ébahi. Allez Marc, un petit effort. Ta gueule, oui. Tout va bien, l'ambiance est chaude, mais ça avance encore. Et nous arrivons donc ici. Shall my life nous avons réparé. Est-ce que c'était une réparation difficile? Contre les crues de l'Hérault, un barrage de 7 millions de mètres cubes. 4 km de canal pour régénérer les eaux de l'étang de l'Or. Participation à l'aménagement du port de Sète, 65 hectares gagnés sur la mer. Je crois que c'est une des réparations les plus difficiles. Non, enfin quand même, on n'est pas monté pour rien et on est content. Alors, je dois dire qu'on est un petit peu dépité, parce que je viens de m'apercevoir que contrairement à ce que j'annonçais là-haut, nous sommes maintenant à environ 2 km du sommet, en redescendant, je viens de m'apercevoir que en fait, ça ne marchait pas. Ah. Alors, il y a encore un problème. On serait-on monté pour rien? Serait-on monté pour rien? Eh bien, je crois que oui. On peut le dire. Ainsi, cet enregistrement restera dans les annales de l'école des guerriers. Comme une opération foireuse, inutile, tout à fait inutile. Mais enfin, on s'est bien amusé. On a respiré, quoi. On a pris l'air. Amusé, oui. Enfin, on est bien mouillé, quoi. jolie dame qui semble affectionnée. Les jolies touches, elle bouge et joue avec eux. Les jolies touches, elle bouge et joue avec eux. Les poils sur moi, quelle chance et quel bonheur de sentir sous mon corps mes petits amis. Partage mes nuits, mais je les touche, les bouge, et je joue avec eux. Mais je les touche, les bouge, et je joue avec eux. Les poils sur moi, quelle chance. Cher, ça doit cher. Il nous rapporte rien. Des paires de chaussettes en laine. En plus, il nous rapporte rien. Bah oui, il vous paye. Voilà, mais sinon, ça va bien. Moi, vraiment. shiny boots of leather, whiplash catch out in the dark. Drums and bells, your servant, don't forsake him. Strike to mistress and cure his heart. Straight like fancies, chase the costume she shall wear. Her mind fills and dull, imperious. Severn, Severn awaits you there. I'm tired, I'm weary. I could sleep for a thousand years, a thousand dreams that would awake. Thank you. Awful and absurd. I get so uncertain. drifting on a summer pond. I notice that my love has gone. Get so uncertain, girl gets to me. It's never as good as I hoped or as bad as I feared. Journey back to winterland.